Chapitre 20e, l'intelligence. Pendant les années du terrorisme de masse, quelqu'un, un poète et journaliste, avait dit quelque chose dans ce genre, je ne me rappelle pas exactement les mots. Parler, c'est mourir. Ne pas parler, c'est mourir. Alors, parlons et mourons. Ne vaut-il pas mieux dire autre chose? Alors, parlons, mais pour nous organiser et résister, afin de vivre, et s'il faut mourir, faisons-le payer le plus chèrement à nos assassins et le plus utilement possible à notre peuple. Sur les auditeurs présents, Karim observe l'effet de sa déclaration et attend les réactions. Avec lui sont réunis les membres de la section syndicale autonome de l'hôpital, auparavant connue, Katrom et Fatma. Ils sont assis par terre, sur un tapis, dans le salon de l'appartement de Karim, autour d'une table basse et ronde. Elle est surmontée de tasses de café et de verres de thé près d'une théière et d'une cafetière. « Je suis allé à la police, » déclare Fatma. « J'ai demandé le motif de mise sous scellé de notre local. » On m'a répondu que le ministère du Travail a pris une décision. Tout syndicat doit avoir un minimum d'adhérents, un quota fixé arbitrairement par ce même ministère, sinon ce syndicat est considéré illégal, donc n'a pas droit à s'activer. « Hum, dit l'homme d'une soixantaine d'années. Pour les problèmes réels du peuple et des travailleurs, les soi-disant responsables restent sourds et soi-disant incompétents. Mais dès qu'il s'agit de défendre leur intérêt à eux, ils deviennent soudain actifs et très compétents pour trouver des motifs neutralisant les actions légitimes des travailleurs. Le ministère, soi-disant du travail, se révèle ce qu'il est, le ministère chargé d'empêcher le travail convenable, lequel ne peut être réalisé qu'en autorisant l'existence d'un syndicalisme libre et autonome pour contrer la gestion du pays au détriment du peuple. Et ces harkis, nouvelle manière de la caste détentrice de l'État, croient nous neutraliser par des scellés sur notre local. L'important, déclare un autre présent, c'est de faire attention aux hanouchas, les serpents, les mouchards de la police. S'ils apprennent que nous nous sommes réunis ici, dans une maison privée, on risque de voir la police débarquer en nous accusant d'activités illégales. Cela a été fait contre les Ahmadites. Nous devons, intervient Fatma, entreprendre un travail au corps à corps permanent, quotidien, intelligent auprès de nos camarades travailleurs à l'hôpital. La plupart sont indiqués à l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, le syndicat contrôlé et courant de transmission du régime. Ou ne le sont à aucun syndicat. À nous de les aider à prendre conscience de leurs intérêts véritables afin de parvenir au quota imposé par le ministère anti-travailleur. C'est une question juste de temps et d'action adéquate de notre part. C'est vrai, confirme un collègue, Fatma a raison. Il n'est pas interdit de parler à des collègues pour les convaincre de créer un syndicat autonome. Et si, malgré cela, les autorités nous causent des problèmes, par exemple en nous menaçant de licenciement et même de nous emprisonner, eh bien, il nous faut continuer notre lutte, en établissant la solidarité avec les autres syndicats et demander celle de certains journalistes. Je sais, ils sont rares, très rares, cependant, ils existent. La plus grosse difficulté, intervient Fatma, est de trouver une solution au cancer qui nous ronge. La stupide ambition de certains jouer au chef. Nous avons besoin absolument de la démocratie réelle. Celle-ci n'a aucun besoin de chef, mais uniquement de collaboration entre membres égaux, les plus instruits se mettant au service de leurs camarades et non mettant ces derniers à leur service carriériste. L'homme ayant évoqué les délateurs intervient de nouveau. Il est possible, il est même probable, que suite à la fermeture de notre local, la police nous fasse surveiller. Ainsi, elle se rendra compte de nos réunions dans des maisons privées. Alors, il vaut mieux nous organiser pour nous voir de manière différente. Par exemple, sur le lieu de travail, même si nous sommes conscients, là aussi, d'être surveillés par des mouchards. C'est leur intelligence contre la nôtre. D'une certaine manière, c'est plus difficile que le travail clandestin. En même temps, si nous savons agir correctement, sans recourir à la clandestinité, le résultat est meilleur. La discussion se prolonge sur les moyens à employer, les difficultés éventuelles, la manière de les surmonter, etc., pour accomplir correctement l'action syndicale autonome.